Donc, on est présentement avec Sébastien Monnet-Trois, qui est, ça a l'air mon chroniqueur préféré, parce que c'est la deuxième fois qu'il vient à l'émission. Aujourd'hui, Sébastien, tu viens me parler de statistiques. Tu vas nous faire un peu une introduction à la statistique. C'est un sujet que tu as... Ben, hey, salut Sébastien! Bonjour! Je suis déjà comme excité de parler de statistiques. Hey! C'est très excitant, effectivement. Les problèmes de statistiques, des fois, ça se présente un peu comme des histoires. J'ai vu beaucoup d'exemples où est-ce que on voyait un problème en particulier, puis je sais pas, là, les saumons ont certaines longueurs, là. Est-ce que dans le lac A puis le lac B, les moyennes se côtoient? Puis là, t'es comme, ben oui, est-ce que les moyennes se côtoient? On dirait que ça raconte une histoire, puis t'essaies de réfléchir, ça va être quoi la meilleure façon de faire accorder ton hypothèse. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça présente un certain modèle de la réalité, puis avec ça, tu peux comme essayer de trouver des raisons. C'est comme un point de départ peut-être pour de la recherche des fois, ou un point particulier dans la recherche. On va peut-être en parler un peu plus tard. On va détailler toutes sortes de choses là-dessus. Pourquoi je voulais parler de statistiques, entre autres, c'est que il y en a eu un peu dans ma vie. J'ai suivi un cours récemment sur spécifiquement sur les enrobés bitumineux. C'est peut-être pas un sujet que je vais aborder aujourd'hui, mais il y avait une partie là-dedans où on parlait de maîtrise statistique des procédés. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment une manière incroyable de jaser de statistiques avec quelqu'un, par exemple, qui connaîtrait pas ça du tout. Comme des ouvriers d'usine puis tout ça, qui peut-être ça les intéresse pas, mais des manières de prendre la statistique puis les rapprocher de la vraie vie. Ouais, ben c'est ça, les statistiques, c'est quelque chose qui est comme vraiment important dans la recherche, puis on entend vraiment beaucoup plus parler dans les deux dernières années à cause de la situation mondiale actuelle. Ouais, c'est un peu comme une suite spirituelle aussi à l'exposé de la dernière fois où on avait parlé de la méthode ou des méthodes scientifiques. C'est comme ça, en fait partie, là. Ça fait partie de la boîte à outils. Ouais. Est-ce que c'est vraiment important de comprendre les statistiques? Je dirais que c'est pas important de comprendre de tout dans le détail. Je pense peut-être le morceau le plus important, c'est de réaliser où sont les pièges dans la statistique, puis pourquoi, quand on dit qu'on peut faire dire n'importe quoi à des chiffres, c'est vrai et c'est pas vrai en même temps. Faut éviter de tout mettre dans le même panier, puis comprendre en détail, peut-être ça vaut pas la peine d'aller dans la profondeur des mathématiques, de la statistique, mais c'est bon de savoir, c'est ça, quels sont les pièges courants qu'on va rencontrer quand on voit des statistiques dans le journal puis qu'on entend parler à radio. Donc, c'est quoi des statistiques? C'est difficile à définir. Essentiellement, c'est une sorte de science des données. C'est une façon d'interpréter les données. C'est un outil pour la méthode scientifique. C'est toutes ces choses-là en même temps. C'est une branche des mathématiques. Même plus précisément, on pourrait dire que c'est une branche des mathématiques des probabilités. Mais t'es pas obligé de l'utiliser comme tel. Je pense que ce qui va vraiment expliquer ce que c'est la statistique, c'est de voir tous les différents exemples où ça peut entrer en jeu, puis comment ça s'est construit un peu dans l'histoire. Fait que je pense que je pourrais commencer un peu l'historique rapide. Mais juste pour dire, c'est pas que je veux aller trop profond là, présentement, mais moi, quand on pense de statistique, moi je pense à pourcentage. Ouais, c'est pas nécessairement une bonne définition des statistiques, mais ça va intervenir parce que dans les statistiques, on peut regarder des fractions de différentes choses. On peut prendre une population puis la diviser en morceaux pour voir justement des pourcentages de personnes d'un certain âge. Dans ce cas-là, je pense quand il y a un assez grand nombre de personnes, on pourrait faire un modèle qu'on dirait continu, où est-ce qu'on placerait... peut-être l'âge, c'est pas le meilleur exemple, mais disons la grandeur, la hauteur de différentes personnes. T'auras pas souvent une personne qui fait exactement 1,00000. Mais tu vas avoir plein de gens qui ont plein de différentes précisions de grandeur qui vont s'inscrire. Fait qu'on pourrait dire que c'est comme une mesure continue. Mais il y a aussi Il y a aussi de la statistique sur des quantités plus discrètes. Par exemple, si j'étudie le hibou qui rapporte des proies, il va pas rapporter 2,67 souris aujourd'hui, il va en rapporter exactement 8. Ok, peut-être on pourrait dire que parfois il y a des souris partielles. Je pense que les auditeurs auront compris que tu peux étudier autre chose que des pourcentages, mais évidemment, c'est toujours plaisant de faire des proportions de ce qui est mesuré. Là. Intéressant. Donc, ça provient de où, les statistiques? Selon moi, là, c'est juste une opinion personnelle, mais si on regarde un peu l'historique, je trouve que c'est pratiquement la première branche des mathématiques qui a été découverte. Si on prend la statistique comme une expression limitée qu'on pourrait appeler la démographie, ce serait de compter des personnes ou des objets, des récoltes, des choses comme ça. Et puis, faire ça, pour les êtres humains, ça existait avant les systèmes d'écriture. Fait qu'on n'était pas capable d'écrire les nombres, puis on faisait déjà de la statistique. Par exemple, pour compter un troupeau de moutons, puis s'assurer qu'il en manque pas, on pourrait dire que c'est une sorte de statistique relativement simpliste, mais bon, je pense que ça en fait partie. Le berger peut emmener un sac de pierres, puis disposer en une pile une pierre pour chacun des moutons qui passent sa clôture. Puis au moment où il veut ramener ses moutons chez eux, il va enlever une pierre à chaque mouton qui ressort. Comme ça, il va avoir une statistique parfaite de combien il y avait de moutons, puis s'il y en a eu de plus, s'il en a eu de moins, sans avoir de système de numération. Le berger n'est pas obligé de savoir compter pour faire ça, et pourtant, il est en train d'exploiter les mathématiques. Ça, c'est intéressant parce que ça me rappelle de... probablement une vague définition des statistiques que j'ai vues récemment. C'est à peu près compter les populations. Ben, c'est compter les populations, c'est essentiellement ça, la démographie. C'est recenser la hauteur de chaque personne, c'est regarder c'est quoi leur cause de mortalité, combien de gens par région. Disons que c'est peut-être la branche la plus ancienne des statistiques. Ça a évolué pour devenir beaucoup de choses. À part les roches, il y a les Incas qui utilisaient ce qu'on appelle des quipus, qui sont un système de cordes avec des nœuds. Donc je pense qu'il y avait au moins trois types de nœuds sur une corde qui représentaient là, les unités, les dizaines, puis les centaines. Ça peut être des milliers, là, je me souviens pas du système par cœur, mais essentiellement, il y avait des maîtres ou des gardiens du quipou qui faisaient ces cordes-là pour compter des récoltes d'année en année, puis les organiser. Comme ça, on pouvait se rappeler, ah, on a eu une bonne année, une mauvaise année, puis faire un almanach avec ça. Fait que là encore, c'est pas tout à fait de la démographie, mais on s'entend que c'est relativement similaire. Au lieu de compter des personnes, on va compter des quantités là, de récoltes. Ensuite, on a utilisé des trucs comme les diagrammes circulaires là, qui sont tellement populaires, disons en mimétique, pour l'humour sur Internet. C'est ça, c'est le diagramme en pointe de tarte essentiellement, mais il en existe d'autres types là, comme l'histogramme circulaire, où est-ce que les différentes pointes de tarte vont s'allonger pour montrer la quantité qu'ils contiennent. Peut-être que je peux avoir 10 pointes de tarte toutes égales, sauf que tu regardes à quel point la pointe déborde du cercle pour visualiser les données. Qu'on a utilisé ça au début, disons, de la démographie peut-être un peu plus formelle. J'avais dans l'idée de parler aussi du rôle de la statistique parce que c'est rapidement devenu une science. De la démographie, on s'est intéressé au fait que peut-être la statistique, ça pouvait être une étude de la probabilité de quelque chose. Fait que si je me rends compte que un certain nombre de personnes vont mourir de la peste une année dans une certaine région, je pourrais m'attendre que dans les autres régions autour, les pourcentages soient similaires. Fait que ça se peut que ça me permette de planifier en conséquence. Fait qu'on a rapidement associé la statistique aux sciences des probabilités, malgré que c'est pas nécessairement quelque chose qui intervient dans les jeux de hasard. Quoique Ben, plus tard, aux États-Unis, il y a des gens qui... on a recensé qu'il y a des gens qui avaient réussi à découvrir des roulettes, par exemple, qui la boule tombait souvent au même endroit, puis les gens, ils servent de gamblers, s'échangeaient des informations plus ou moins statistiques à propos du fait que, ah ben, tel casino, la table, elle penche d'un bord, puis tu peux faire ça. Ça peut intervenir. Puis ça, c'est une statistique pas très formelle, mais... on pourrait le faire d'un point de vue plus professionnel. Là. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont fait pour The Price is Right aussi, là, tenir des statistiques sur l'émission, puis après ça, arriver avec des bonnes chances de deviner facilement les prix des objets qu'on peut gagner, finalement. T'as mentionné que les statistiques pouvaient avoir un rôle, soit modéliser ou prévoir. Tu l'as mentionné, on fait un modèle. Avec ce modèle-là, on peut potentiellement prévoir. Il n'y a pas comme une continuité ou une suite logique là-dedans? Oui, effectivement. C'est juste qu'il y a eu une époque où il y avait des écoles de pensée. La statistique elle était passée de science pratiquement à philosophie aussi pendant un temps. Tu sais, pour dire à quel point il n'y a pas de définition formelle de la statistique. Si on veut une vraie définition formelle, il faudrait qu'elle soit très longue pour englober tout. On s'est interrogé sur son rôle. Modéliser, c'est une chose, c'est d'essayer de prendre par exemple une équation mathématique puis pouvoir essentiellement mettre toutes nos grandeurs ou nos masses de grenouilles sur la courbe mathématique puis trouver la courbe mathématique qui représente nos grenouilles le plus possible. Fait que ça, c'est modéliser. Ce qu'on se demande, si c'est ça le rôle premier de la statistique, de trouver la beauté mathématique dans les choses pour les représenter, puis dire, les mathématiques sont partout, puis c'est normal qu'on trouve une formule qui est capable de définir les masses des grenouilles. D'un autre point de vue, on pouvait dire que, oui, la statistique est capable de faire ça, mais son rôle dans nos vies, c'est principalement d'aider à faire des prévisions sur les différentes hypothèses scientifiques, ou même pour la vie courante, pour la gestion, puis tout ça. C'est quoi son rôle aujourd'hui? Ben, c'est un peu tout ça. C'est sûr que pour les universitaires, les professeurs, étudiants, modéliser, c'est super cool. Prévoir, c'est plus utile au niveau de la gestion dans le domaine du travail, dans l'administration, mais forcément, ça se rencontre puis ça a rapport ensemble, comme tu le disais, là. Donc, c'est difficile de prévoir sans modèle. Et puis, des modèles dans le vide, ça apparaît pas aussi pertinent. Ouais, c'est ça, parce que, juste pour petite parenthèse, c'est pas parce que t'as de l'information sur une population de grenouilles à un certain endroit dans le monde que nécessairement cette information-là va être pertinente pour les autres populations de grenouilles ailleurs, etc. Ouais, puis ça va demander, pour prévoir à partir du modèle, ça va demander une compréhension, puis une certaine critique du modèle. Déterminer qu'est-ce que ce modèle-là veut dire. Pas seulement à quoi il sert, mais qu'est-ce qu'il nous indique réellement sur qu'est-ce qui est à constater dans le modèle. C'est pas juste des équations mathématiques. Ce qu'il y a de merveilleux à constater ici, c'est qu'on est passé de la statistique comme compter des objets, des trucs de la vraie vie, quelque chose de très physique. Puis on est rendu vraiment à parler essentiellement de choses qui n'existent pas, des fonctions mathématiques, des ensembles de données, des nombres, leurs tendances, puis tout ça. C'est merveilleux à quel point ça peut être comme mystique et pratico-pratique à la fois. Écoute, moi j'ai tu me dis ça, j'ai des questionnements genre qui seront pas l'étendue de notre émission aujourd'hui, mais tu me dis des choses qui n'existent pas, mais est-ce que les abstractions de certaines choses, est-ce que ces choses n'existent-ils pas pour de vrai, tu sais? Mais bon. Considération philosophique ici. Les concepts existent à leur façon, puis des fois ils nous survivent, puis ouais, c'est ça. Ils dépassent notre propre existence. Sinon, je veux aborder aussi une espèce de liste de concepts puis d'outils à utiliser en statistique. Essentiellement, je vais dire comment ils s'appellent, pas obligé de retenir ça, mais ça va aider à structurer un peu ce que je m'apprête à vous avancer. Je veux parler des indicateurs de dispersion. C'est différentes façons d'observer une base de données, une population, une distribution. Ça va nous donner une idée un peu de sa forme générale. Je veux parler aussi des lois de probabilité. Ça, ce serait les modèles, essentiellement. Différentes lois qu'on a trouvées et puis que beaucoup de distributions de données ont l'air de respecter dans les bons contextes. Ensuite, je voulais qu'on regarde les tests statistiques, qui sont des façons de voir comment les données physiques, les trucs réels, les mesures, comment ça colle aux lois qu'on a choisies. Ça les met ensemble, finalement. Régression linéaire, c'est pas un test statistique en soi, mais c'est un outil vraiment pratique pour... ça s'utilise un peu dans la vie courante, là. C'est de prendre souvent deux ensembles de données, puis voir la corrélation entre les deux. Est-ce que c'est ça qu'ils veulent dire en anglais quand ils disent « regression to the mean » ou c'est quelque chose d'autre? Je pense que non. Okay. Je pense qu'on parle ici de réduire puis centrer une distribution. Je peux en parler rapidement. Faudrait faire une recherche rapide pour en être sûr, là, mais je pense qu'on parle de deux concepts. Ok, c'est bon, c'est pas grave, on y reviendra dans le pire des cas. Sinon, la régression linéaire, je l'ai utilisée personnellement pour, par exemple, étalonner une étuve. Une étuve, c'est une sorte de four. Quand on met un thermomètre dedans, on demande à l'étuve, donne-moi 50 degrés. Et là, j'ai un thermomètre étalon qui est assuré de me donner la bonne valeur. Il va me dire si mon four m'a donné 50 degrés. Là, je vais le faire à 60, à 70, et ainsi de suite, jusqu'à temps que je sois satisfait du nombre de données. Et puis là, je vais comparer la température au thermomètre avec la température que mon étuve, je lui ai demandé de me donner. Je vais mettre tous ces points-là sur un graphique, puis faire une régression linéaire. Puis c'est juste une courbe pour me dire est-ce que quand je monte la température, ça fait monter mon thermomètre. C'est de quoi qui s'utilise dans la vie courante, surtout pour des techniciens de laboratoire, là, mais... Je veux dire, tu peux le faire avec un budget, avec toutes sortes de choses là, pour voir si manger plus, ça fait augmenter ton poids. C'est un outil général. Sinon, ben, je veux arriver à la maîtrise statistique des procédés, juste pour finir. C'est un petit bout du sujet que j'ai étudié récemment dans le cours que j'ai suivi, puis j'ai trouvé ça fascinant. Puis on va parler de ça, plus principalement des cartes de contrôle, qui est un outil merveilleux. Excellent. Ben, on peut commencer par parler d'indicateurs de dispersion. Oui. Est-ce que tu sais c'est quoi une étendue? En mathématiques, non. Je pense pas. C'est dans notre cas, c'est quand on prend une distribution pour déterminer si la distribution a une grande étendue, on va juste regarder la valeur la plus basse puis la valeur la plus haute. Fait qu'une distribution, c'est genre comme tous nos points de données qu'on a. Genre. C'est ça. C'est une population ou un échantillon. Pas exactement. En fait, c'est une série de mesures. C'est une série de données, une série de valeurs qui sont prises dans une population ou un échantillon. Puis l'étendue, c'est du plus bas au plus haut, admettons. Ouais, c'est ça. C'est la largeur... De ces valeurs-là. C'est pas le nombre de valeurs que j'ai pris, c'est pas combien de différentes valeurs j'ai eues, c'est vraiment juste la différence entre la petite et la plus grande. Fait que ça, en soi, ça va pas être super pertinent, ça doit être utilisé en comparaison avec soit d'autres distributions, ou soit avec les autres indicateurs de dispersion. Mais c'est comme le premier, c'est le plus facile à comprendre. Est-ce que j'ai beaucoup de différences entre mes différents candidats là, que j'ai mesurés cette semaine? Sinon, l'indicateur de dispersion le plus populaire, c'est la moyenne. C'est un outil superbe pour vérifier environ c'est quoi la position relative de mon échantillon, de ma distribution. Voir c'est quoi comme son ordre de grandeur par rapport à mon... À comment j'ai mesuré mes données. Fait que si je fais la moyenne d'une série de mesures en millimètres, puis j'obtiens 10 000, ben peut-être que je pourrais changer en mètres. La moyenne va me renseigner là-dessus. L'étendue, peut-être moins, parce que ça se peut que j'ai 10001 à 10002. Puis ça sera pas une très grande étendue. Ça me renseigne pas. Si je fais l'étendue, j'ai 1 comme étendue. Fait que ça me renseigne pas sur est-ce que je devrais utiliser des mètres ou des millimètres. Ça me dit juste que l'étendue apparaît petite dans mon système. Que c'est ça. Moyenne, ça va me donner une idée de l'ordre de grandeur un peu. Ah ouais. Sinon, on peut parler. Parler rapidement de la médiane, j'aime beaucoup comparer la moyenne avec la médiane. Si je veux trouver la médiane, il faut que j'ai comme une liste de toutes mes valeurs puis que je les mette en rang. Comme si j'aime bien faire ça avec les salaires. Là. Disons que le capitalisme, c'est une course, puis celui qui a plus d'argent est premier. Si tu fais la moyenne des salaires, tu vas obtenir une certaine valeur. Et dans nos systèmes actuels, souvent, la médiane va être un petit peu plus haute. Parce que il y a beaucoup de gens qui font, beaucoup de gens qui font 200 000 et moins. Puis quand on dépasse ça, il y a peu de gens, mais les sommes qu'ils peuvent faire peuvent être 10 fois puis 100 fois plus. Donc si tu fais la moyenne de ça, tu vas probablement tomber avec une certaine quantité, mais si tu mets tout le monde en rang, et puis que tu regardes c'est qui est dans le milieu du peloton, de toute la course au capitalisme, ben, t'auras pas la même valeur. C'est pas toujours intuitif pour toutes les distributions. Puis des fois, il y a des distributions où ça tombe ensemble, d'autres fois, c'est plus haut, c'est plus bas. Ouais, c'est ça, parce que la moyenne, elle peut te donner comme une information qui semble juste, mais elle peut provenir d'un portrait qui est différent de ce qu'il suggère. T'sais, il peut te donner un indicateur de... Ah, ben tu sais, le salaire moyen, c'est, admettons, 50 000, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui font comme 10 000 et moins, puis très peu de gens qui font comme 1 million et plus. Hein. Ça te donne pas une indication de, admettons, c'est quoi le mot que je cherche, là? C'est la différence entre les salaires, nécessairement. Ça te donne pas la différence entre les salaires, ça te donne la masse salariale totale, moyenne, disons. C'est ça. On pourrait penser que la moyenne, dans ce cas-ci, ça va représenter la personne ordinaire. Mais peut-être que la personne typique, ce serait plutôt celle qui est située sur la médiane. Ouais, ouais. Puis ça, ben, ça revient un peu dans la cour du statisticien de décider des fois si c'est le cas ou non. Mais normalement, le statisticien a des outils de comparaison, fait que peut-être qu'il peut utiliser une autre population statistique pour essayer de voir si le problème qu'il est en train d'affronter, ça ressemble à un autre problème où ça a été démontré que la médiane était un meilleur indicateur. Des fois aussi, la médiane est bonne si on veut déclarer certaines choses, puis la moyenne est meilleure si on veut en déclarer d'autres. Là, je pense qu'on va essayer de passer sur le paradoxe de Simpson tantôt, puis on va voir que deux approches différentes peuvent être valides, puis nous montre deux situations différentes. Rapidement, peux-tu me parler un peu de variance? Il faut que je passe sur la variance super rapidement. C'est pas très très utilisé. Quand j'ai ma moyenne de décider, je peux regarder c'est quoi l'écart de chacune de mes valeurs à la moyenne. Et puis, ça va me donner une idée, encore là, de la dispersion. Mais le problème, c'est que je vais avoir beaucoup de nombres négatifs là-dedans, puis des nombres positifs. Fait que si, par exemple, je les additionne, puis je fais une moyenne de mes écarts, je vais toujours obtenir zéro. Justement parce que la moyenne est dans le milieu. Fait que là, j'ai comme un indicateur qui fonctionnerait pas. Fait que la solution qu'on a trouvée, c'est de tout mettre ça au carré, parce que les chiffres négatifs multipliés au carré, ça va donner des nombres positifs. Fait que la variance, c'est un peu comme la moyenne des écarts à la moyenne, mais c'est plutôt ces écarts-là, mais au carré. Fait que c'est difficile à interpréter la variance en tant que telle. Ouais, ça me paraît comme de la magie, la mathématique, là. C'est ça, il fallait lui donner un nom, puis c'est vrai que ça sert à montrer à quel point ça varie. Mais c'est un peu trop loin de notre ordre de grandeur pour dire que c'est un bon outil. Là. Visuellement, ça apparaît comme en dehors du champ de la distribution. Il y a comme un niveau d'abstraction de plus à ce qu'on est habitué normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que pour... pour pouvoir mieux utiliser, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la racine carrée de la variance pour obtenir ce qu'on appelle l'écart type. Rendu là, on a réellement fait comme les valeurs absolues de toutes nos écarts, puis fait une sorte de moyenne de tout ça. Fait que là, je résume, puis il y a peut-être des petites erreurs mathématiques dans ce que j'ai dit. Là, j'ai pas les formules en tête, puis vous irez réviser ça si ça vous amuse. Là. Mais l'écart type, ça ressemble à la moyenne des écarts. Bon, je pense qu'on pourrait faire un épisode complet là-dessus. Là. Ah, forcément. C'est essentiellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que je peux me demander dans ma distribution, là, c'est quoi qui est typique pour une valeur d'être loin de la moyenne? Comme mes valeurs ont-tu tendance à s'éloigner énormément ou bien ils sont toutes tassées vraiment, vraiment proches? C'est à ça que ça sert l'écart type, puis peut-être l'écart type proportionnel est pas super utilisé, mais ça peut être encore plus visuel d'utiliser un écart type proportionnel. Fait que je peux dire que mon écart type, là, il est de 1%, mettons. Ça veut dire que les données ont tendance à se situer là, à 1% de la moyenne, ils sont pas très loin. Si mon écart type il était de 200%, ben, ça fait peur, on dirait que mes données sont très variables. Et la valeur typique, là, elle se situe très loin de la moyenne, finalement. Fait que si c'est des grandeurs de personnes du même âge, 1%, ça marche, mais 200%, ça veut dire que j'ai des gens qui sont souvent deux fois plus grands que les autres. Là. Ils ont le même âge. Ça veut-tu dire qu'il y a des erreurs dans tes données? Ben, c'est potentiellement. Ça se peut. Ça dépend. Peut-être que j'ai choisi des gens de 1 mois. Là, peut-être 2 fois plus grand, c'est un peu exceptionnel, mais tu sais, les bébés grandissent vite. Fait qu'à ces âges-là, peut-être qu'il y a des différences majeures entre la grandeur totale. Et si je prends des personnes de 50 ans, probablement que ça va être moindre. Dans tout ça, l'écart type, on voit un peu à quoi ça sert. Ça nous amène peut-être à parler de la loi normale, ce qu'on appelle la courbe de Gauss. Souvent, quand je prends une donnée répétée, par exemple, j'ai une manufacture qui fait un objet, puis je veux savoir combien il pèse. À tous les jours, il va peser 5 grammes, plus ou moins quelque chose. Toutes mes données vont s'organiser dans une distribution. Ben là, je peux regarder c'est quoi l'écart type, puis je peux regarder c'est quoi la chance que les objets se situent à 2 fois l'écart type ou à 3 fois l'écart type. C'est ce qu'on appelle des intervalles de confiance. Quand je fais la courbe normale, quand je fais la courbe de ça, souvent tout va se trouver proche de la moyenne. Tant que mon axe en dessous, c'est des multiples de l'écart type. L'idée de tout ça, de la loi normale, c'est que si je prends toutes sortes de valeurs prises dans toutes sortes de contextes, on obtient souvent la loi normale parce que je compare mes valeurs avec l'écart type qui est comme issu des mêmes valeurs. C'est comme si tout est proportionnel, finalement. Au lieu de regarder des 1 avec des 100, avec des n'importe quel autre nombre, on dirait que toutes les ordres de grandeur sont rapatriés pour représenter la même chose. Mais essentiellement, ça te donne comme une courbe en forme de cloche, là. Ouais. Fait que là, tu veux savoir, c'est quoi tes extrêmes? C'est quoi ta population moyenne? Mais l'idée, c'est que si je prends mes des outils manufacturés, combien ils pèsent, puis des longueurs de pigeons, puis des toutes sortes d'affaires qui ont vraiment pas rapport, souvent, quand je les compare à leur écart type, ben ça va me donner à peu près la même courbe. Puis c'est une propriété super intéressante du fait que je prends toujours la même valeur sur un paquet d'individus. Ça, essentiellement, admettons, dans un contexte de manufacture, ça va t'aider à trouver qu'est-ce qui est acceptable comme étendue de poids pour ton outil que tu veux manufacturer. Ça peut me donner une étendue, ça peut me permettre de faire une carte de contrôle. C'est ça. Si je fais par exemple une carte de contrôle, je vais mettre les zones, les intervalles de confiance ou des zones similaires. Je vais mettre ça sur une espèce de bande. Je vais mettre toutes mes données. Là, je prends mettons une donnée par jour. Fait que le jour 1, jour 2, jour 3, je vais mettre des points là où ils se trouvent. Ça va me permettre de voir dans les bandes de couleurs sont à quelle partie de quel multiple de l'écart type. Puis là, ce que je peux faire, c'est dire, bon, ben, ça fait 4 jours que j'ai des points qui sont en bas de la moyenne dans telle zone d'écart type. Est-ce que ma machine, elle commence à enlever des grammes à tous les jours? Parce que normalement, pour faire une courbe normale, les choses doivent être à peu près aléatoires. Il faut qu'ils se concentrent près de la moyenne. Puis exceptionnellement, de temps en temps, je vais avoir des objets qui pèsent trop ou qui pèsent pas assez, mais peut-être je peux dire, ça arrive. C'est des causes aléatoires qui sont difficiles à définir, puis qui s'additionnent ensemble. Donc si d'une journée à l'autre, ça varie dans une certaine mesure, je peux dire c'est normal, c'est sous contrôle. Mais si j'ai des points qui se trouvent régulièrement, là, tout le temps du même côté, ben ça va me dire que il y a quelque chose qui marche pas. Il peut arriver autre chose, peut-être aussi que ça fait 7-8 points d'affilée, là. Sont toujours dans les zones que je dirais normales, mais ça n'arrête pas de monter. Ils sont encore dans ma zone où est-ce que je suis confiant que ça fonctionne bien, mais là, ça commence à faire plus qu'une semaine qu'à tous les jours, ça augmente. Il y a peut-être lieu de me poser des questions sur mon processus manufacturier à ce moment-là. Fait que c'est ce que j'ai vu sur les cartes de contrôle. C'est un outil de travail qui doit être utilisé avec des tests, comme le test de il y a combien de points de quel bord. Mais ça permet de mettre dans le temps des valeurs répétées, puis voir est-ce qu'il fit avec la courbe normale ou non. Et puis ça te donne de l'information sur potentiellement s'il y a un problème, puis ensuite c'est quoi le problème ou où est-ce qu'on peut faire du troubleshooting, là? Exactement. Ça peut aussi être une façon de démontrer à des instances, par exemple gouvernementales, que mon processus est sous contrôle, puis que les... disons que je manufacture des vaccins. Je pourrais montrer que mon taux d'agents de conservation, il est très constant, bien contrôlé, tout le temps dans la courbe normale. C'est une garantie pour la sécurité du public. C'est pas juste pour trouver des problèmes. C'est de garantir une constance. Donc, le temps se fait court un peu pour nous. Est-ce qu'on peut parler vite vite des pièges statistiques? Oui, ça peut être difficile pour quelqu'un qui n'est pas habitué de lire les articles scientifiques de trouver ces pièges-là, mais je peux les mentionner rapidement pour que tout le monde comprenne c'est quoi qui nous attend quand on observe des distributions de données. Je veux passer sur l'autocorrélation. C'est un processus, processus, un phénomène plutôt qui arrive quand on a des affaires cycliques. Donc, si j'étudie un orignal et puis que je vais regarder sa position tous les jours à 8 heures, il y a des bonnes chances qu'il soit toujours en train de boire de l'eau à la même place. Comme l'orignal a une routine, si mon échantillonnage le fait toujours à 8 heures, peut-être que ma thèse de doctorat, ça va être que les orignaux, ils font juste une chose, c'est aller boire de l'eau. Ça sera pas très solide. Donc, il faut lutter contre l'autocorrélation. Un truc qui est fascinant, par contre, c'est que je peux essayer de prouver une autocorrélation dans quelque chose pour essayer de démontrer que j'ai devant moi un phénomène cyclique, même s'il y avait l'air aléatoire. Je sais pas, mais peut-être le soleil nous envoie différentes sortes de rayonnements qui apparaissent aléatoires. Ben, peut-être que je suis capable de faire un test d'autocorrélation dessus, puis prouver qu'en réalité, il y a un cycle. Je peux probablement trouver c'est quoi la fréquence puis la phase. C'est vraiment utile. Super intéressant. Un autre sujet pour une émission au complet. Effectivement. Sinon, il y a des propriétés étranges qui ressortent des statistiques, comme on peut arriver devant un paradoxe de Simpson. Ce qui va se passer, c'est si je prends deux échantillons d'une même population, par exemple des gens tolérants un médicament puis intolérants un médicament, fait qu'ils font des effets secondaires. Je peux remarquer que dans les deux cas, ils vont avoir une certaine efficacité à une forte dose ou une basse dose, puis peut-être que ça va être la même. Peut-être que peu importe si tu es tolérant ou intolérant, tu vas avoir 25% de plus d'efficacité. Par contre, si je prends l'ensemble de ma population, je mélange tout ça ensemble, ben bizarrement, tout à coup, le gain d'efficacité il est seulement de 7%. Et ça va avec combien il y avait de gens tolérants, combien il y avait de gens intolérants, combien de gens qui sont sortis de l'étude. Puis ce qu'on voit, c'est que la quantité change selon comment j'ai trié mes données. Mais quelle donnée est la bonne? Ouais, moi j'ai. On a parlé hier quand on se demandait comment faire l'entrevue. Puis tu me dis ah oui, le paradoxe de Simpson, j'ai passé 10 minutes à regarder des images des Simpsons avant de réaliser que c'était quelque chose qui était vrai. Oui, oui. Ben, le paradoxe des Simpsons, c'est qu'ils ont tout prédit à l'avance. Ouais, c'est ça. Non, mais pour vrai, le paradoxe Simpson, quand j'ai trouvé la page Wikipédia, puis c'est essentiellement, tu comme cartographie des populations, t'es mis sur un graphique, admettons, puis là, tu regardes t'es comme la tendance de cette population-là. Mais si tu mets comme plusieurs populations qui ont comme des tendances, admettons, vers le haut, après ça, tu fais la moyenne entre ces populations-là, tu risques de te ramasser avec une tendance vers le bas. Ouais, c'est des trucs qui peuvent arriver. Dans mon cas, c'est plutôt que la tendance est moins remarquable. Est différente. C'est que la tendance est différente. Si... Comment... J'ai une manière que je veux le dire. C'est t'as, admettons, 5 populations qui ont la même tendance, mais si tu les compares entre eux autres, ils vont avoir une tendance différente. Ouais, ou si tu les combines pour refaire la même analyse, ils peuvent avoir une tendance différente. Des fois, ils peuvent avoir une tendance qui est opposée. Ouais. Fait que tout ça, c'est à cause de comment te trier ton échantillon. Dans mon exemple de médicaments, tout ce que ça fait, c'est qu'il faut considérer si je vais avoir des gens tolérants qui vont utiliser mon médicament parce que c'est un médicament qui est juste pour le confort, ou si je vais avoir les deux sortes de personnes qui vont aller dans mon étude parce qu'ils en ont besoin pour leur survie. Rendu là, les deux résultats sont valides. Ils doivent être utilisés dans le bon contexte. Que si je peux conclure à ma manière, si jamais vous croisez des gens qui vous disent que vous pouvez faire dire n'importe quoi à des chiffres, vous pouvez leur dire que c'est vrai. C'est juste que comme vous êtes bon et introduit en statistique, vous allez le savoir quand ils font dire n'importe quoi à leurs chiffres. Ça, c'est un bon outil à avoir dans ta boîte à outils pour interpréter le monde. Hey, merci Sébastien. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi aussi.